Vas-y, envoie garçon, envoie. Vraiment un sacré son, hein. C'est fou quoi. Ça bute, ça bute. Franchement, c'est hallucinant. Quoi. Si j'avais des sous. Je fais une mini pause. Envoie-moi une photo de ton Rhodes, Arnaud. J'ai hâte de voir ça sur mon mail, hein. Le traditionnel. Voilà. Il sonne bien ce micro, putain.